tu enfin me dire pourquoi tu fais cette tête-là? Pourrais-tu enfin venir pour éviter le pire et se tranquille? Notre monde ici-bas ne serait-il pas beaucoup mieux sans cela? Pourquoi ne pas voir venir le temps des roses et des souris? Je voudrais revoir fleurir le champ des cerises et des lilas. Pourquoi ne pas voir venir le chant des soleils et des lilas? Voudrais-tu enfin me dire pourquoi tu fais cette tête-là? Pourrais-tu enfin venir pour éviter le pire et ce tracas? Notre monde ici-bas ne serait-il pas beaucoup mieux sans fleurir le champ.